On était juste entré pour s'acheter une bière. Toi, mec ! J'en suis sorti complice de meurtre et de vol à main armée. C'est aussi dingue que ça, le quartier, des fois. On pouvait jamais dire ce qui allait arriver, ni quand. Protège ton huc, yo. Protège ta nuque, yo. Tu veux la guerre, on va la faire, on sort le truc, yo. Ça tire des grosses tapes dans tous les all-trades. J'ai connu la galère avant de connaître les spotlights. Les potes craquent, c'est trop hard de vivre dans ce zoo. T'es comme un tigre dans une cage ou comme un livre sans un mot. Et je suis tout seul dans un coin de la pièce, à gratter comme un fou, à parler de mon zoo. Parce que depuis gamin j'ai besoin de ma thèse. Et je m'en fous si ça vous paraît ridicule. Le renard est radical, un pétard et je redécolle. Pour un des miens, je tue un des vôtres parce qu'on s'est connu à l'école. Qu'on a trempé dans l'illégal et que ça a laissé des séquelles. Je vais chez le coiffeur pour m'aimer un peu plus. La défense veut pas monter, je vais rouler un de plus. Et j'ai regardé vos rappeurs mais ils ont rien de plus. Et quand le tournage est fini, ils prennent le train, le bus. Dans la forêt partout, je suis dans mon propre fief. Moi j'ai dealé partout, j'étais mon propre chef. J'ai ton Big Sam, 100 kilos, patate de cowboy. Dans la rue, moi je suis comme Odom. Ouais, j'ai fait du rap, il faisait des hold up. J'ai suivi le même chemin parce que j'étais fucked up. On arrive au Jekar, on dit what's up. Va dans ton best bar, ça fait blop blop. Posé en bas de la rue, je vois des poulets les stars. Ou des petits qui bicrapent pour des nouvelles Air Max. On était jeunes, pas un coup de pouce pour écouler les tasses. J'en connais des clous de cercueil qui ont cloué des masses. Plus des années avec ma femme, je m'en fous des pétasses. On a fumé de la PR dans tous les étages. J'arrive, je suis pris de ce coup, je regarde les fils de bourge. Ça fume la PR comme à Inglewood. Si tu veux de la frappe, vas-y, passe en ville. Aujourd'hui, ma liberté, elle vaut 300 000. Au 18ème étage, sur ma tour d'ivoire, j'ai trop bédaf, je fonce dès j'ai raté le cours d'histoire. Y'a des matins où je me sens pas dans mon assiette. Je me verrais bien dans un A4 en train de rouler sur la assiette. Et depuis petit, moi gros, je volais en cachette. Pas ni problème, des grosses bagarres à la machette. On fait l'amour, on se vole et on s'achète. On traîne dehors sans vendre la mort dans les sachets. J'ai des potos au cachot et les autres qui sont cachés. Les bicraveurs de pavot et les autres qui font pas chier. Et ça fait paf si ça part en couille. T'emmerdes, tu fais pas l'entouche. Du pilon de la bûche, je suis encore dans une carré en bouche. Dans la forêt partout, je suis dans mon propre fief. Moi j'ai dealé partout, j'étais mon propre chef. J'ai ton Big Sam, 100 kilos, patate de cowboy. Dans la rue, moi je suis comme Odom. Ouais, j'ai fait du rap, il faisait des hold up. J'ai suivi le même chemin parce que j'étais fucked up. On arrive au Jekar, on dit what's up. Va dans ton best bar, ça fait blop blop. Il y a des fois où c'était dingue dans le quartier. On savait jamais ce qui pouvait arriver, ni quand. J'en avais trop fait pour faire machine arrière. Et j'en avais trop fait pour continuer comme ça. Faut croire que les événements gagnent toujours le pas sur vous.